Mon intervention va donc se situer au moment où se termine celle du professeur Jean-Paul Bled, sous la direction duquel j'ai l'honneur de travailler. À l'heure où se consolide en France la jeune Troisième République, il existe encore à l'Est une étrange construction politique monarchique, celle que nos pères appelaient la Maison d'Autriche, dont on n'arrive plus très bien à sentir la raison d'être dans une Europe où les nationalités aspirent à former de nouveaux États. Quel avenir peut bien être le sien? Et surtout, en quoi cela importe-t-il à la France, à une France affaiblie, amputée dans sa chair par la faute de l'ennemi allemand? On l'a vu dans toutes les précédentes interventions, depuis Charles Quint, l'hostilité à la France de la Maison d'Autriche est une constante de la diplomatie. L'éphémère renversement d'alliance voulu en 1756 n'a pas laissé, c'est le moins qu'on puisse dire, de souvenirs impérissables, ni les tentatives de rapprochement sous l'Empire. La montée en puissance de la Prusse des Hohenzollern vient progressivement brouiller les cartes. Mais la conscience de ce qu'un nouvel ennemi est en train de se construire au-delà du Rhin est bien longue à venir. En 1866, quand, à la suite de l'affaire des duchés, la Prusse écrase l'Autriche et la chasse de la Confédération germanique, nombreux sont ceux en France qui ne voient pas le danger et qui se félicitent des progrès d'une Allemagne conquérant ses droits de nation. Dans les années qui suivent, on l'a vu, l'opportunité d'un rapprochement entre la France et l'Autriche humiliée contre un ennemi commun n'est finalement pas saisie. L'Autriche, en sortant du monde germanique par le travail patient et rigoureux de Bismarck, serait-elle sortie dans le même temps du champ d'intérêt de la France? La guerre de 1870 et la défaite de Sedan font de l'Allemagne, pour la France, le seul et unique ennemi. En 1879, la classe politique française met fin à de longs atermoiements institutionnels et la Troisième République apparaît comme définitivement fondée. C'est le moment de sortir de l'isolement diplomatique. En Autriche, on a connu un recueillement similaire et c'est le moment que choisit François Joseph pour conclure avec la jeune Allemagne impériale une alliance défensive. Du même coup, il y a matière pour la France à s'intéresser à cette puissance qui fraye avec l'ennemi. Par ailleurs, au moment où l'on s'intéresse à l'Autriche, on attache une plus grande attention aux autres nationalités qui forment l'hétéroclite monarchie. On étudie les mouvements nationaux héritiers de 1848 et les personnalités qui les ont portés. De 1879, date de conclusion de l'alliance austro-allemande, à l'attentat de Sarajevo, le 28 juin 1914, quel est le regard porté sur l'Autriche par les milieux intellectuels, politique, diplomatique, dans une période de tension internationale permanente? C'est un triangle de relations politiques, diplomatiques et culturelles entre la France et l'Autriche, avec toujours en arrière-plan l'Allemagne, que nous allons nous intéresser. Nous verrons que la monarchie des Habsbourg occupe une place tout à fait à part dans le paysage diplomatique français. Entre indulgence et condamnation pour excès de germanité, le jugement n'est jamais tranché. Après avoir établi un panorama des relations franco-autrichiennes, nous nous pencherons sur l'attrait exercé dans ces années en France par le monde slave de la monarchie, alors en plein essor. La fascination qu'il exerce invite à rêver pour l'Autriche un autre avenir, celle d'une nouvelle puissance de l'Est, qui n'est plus l'Allemagne, mais qui n'est pas encore la Russie. Nous étudierons bien sûr les liens qui unissent les réformes institutionnelles et les nationalités dans la monarchie avec l'importance de la thèse de la fédéralisation de l'Autriche. Et nous nous demanderons en définitive quelle mission est attribuée à l'Autriche en Europe et au service des intérêts français. L'Autriche occupe une place à part dans la réflexion des milieux universitaires, politiques, intellectuels de la fin du XIXe siècle. La tension, évidemment, est absorbée par le Reich, l'Allemagne bismarckienne, puis wilhelmienne. Le danger allemand et la nécessité de la revanche ne quittent pas les esprits français depuis 1870. La monarchie des Habsbourg reste plutôt lointaine, surtout aux yeux du grand public. À partir de 1879, date de conclusion de l'alliance austro-allemande, le regard porté sur l'Autriche est lié à la conscience qu'elle est dorénavant du côté de l'ennemi, de l'Empire allemand, vainqueur de 70. Toutefois, on garde en France l'idée que l'on aurait pu être, pour l'Autriche, en d'autres circonstances, une autre alliée, contre cette même Prusse. Le traité d'alliance est signé à Vienne le 7 octobre 1879. Il se veut avant tout une garantie de la monarchie contre la Russie, même si cette puissance n'est jamais explicitement nommée dans le traité. François Joseph a obtenu qu'il n'y ait aucune clause de réciprocité qui lui soit imposée en cas d'agression française contre l'Allemagne. Ce n'est un mystère pour personne, François Joseph n'aime pas l'Empire allemand. Il n'a aucune sympathie pour les Hohenzollern et leur mentalité de parvenu. L'alliance conclue en 1879 a donc tout du mariage de raison. Pour les observateurs français, il existerait, entre Prusse et Autriche, une hostilité historique, depuis longtemps enracinée, de caractère civilisationnel. On analyse l'alliance comme un pis-aller pour remplacer les liens constitutionnels tranchés à Sadova, qui attachaient solidement l'Autriche à la grande famille allemande. À plusieurs reprises, on trouve chez les experts de l'Europe centrale le souci de bien distinguer entre Autriche et Allemagne. Chez André Sheradam, auteur d'un ouvrage sur l'Europe et la question d'Autriche au seuil du XXe siècle, on peut lire « Les opinions les moins fondées sur l'état vrai de l'Europe centrale sont entretenues avec soin dans tout le continent et spécialement en France. Aussi, le français se fait-il une idée fausse de l'Empire des Habsbourg ? Pour lui, l'Autriche est un pays polyglotte, de majorité allemande, raison pour laquelle il fait partie de la Triple Alliance. Telle est l'opinion généralement admise, mais un semblable jugement ne correspond nullement à la situation vraie de l'Autriche. Le jugement sur la solidité de l'Alliance connaît des oscillations au gré des aventures diplomatiques des deux puissances contractantes et des événements européens. À la fin des années 1890, on se plaît à croire que cette alliance n'est plus que moribonde. La visite de François Joseph à Nicolas II en avril 1897 augurerait d'un glissement simultané de l'Autriche vers l'Orient européen et de la Russie vers l'Orient asiatique. Cette progression parallèle permettrait à terme d'éviter le conflit austro-russe qui menace perpétuellement dans les Balkans. Par conséquent, le danger dont l'alliance austro-allemande devait être la parade s'amenuise et l'utilité de cette alliance devient de moins en moins évidente. L'entrevue de Mürsteg en 1903 entre François-Joseph et Nicolas II conforte l'intuition qu'un rapprochement austro-russe est possible. Un tournant dans ces généreuses perspectives intervient au moment de l'annexion par l'Autriche de la Bosnie-Herzégovine au mois d'octobre 1908. Dans cette affaire, l'Allemagne soutient l'Autriche et il n'échappe à aucun observateur que cette crise a éprouvé, au bout du compte, la solidité de l'Alliance. Les crises balkaniques de 1912 et 1913 scellent définitivement cette évolution, ne laissant plus guère de doute sur l'avenir d'une Alliance que rien ne parvient vraiment à entamer. On déplore au Quai d'Orsay que l'Autriche ne parle, n'agisse qu'avec la permission de Berlin. Alors que rien ne paraît devoir entraver la course à la puissance du jeune empire allemand, les hypothèses sur ses ambitions de domination vont bon train. Toute la question est de savoir quel rôle joue l'Autriche dans l'expansion hégémonique du noyau prussien. La tentation pan-germaniste en Autriche est pointée du doigt chez certains, mais dans l'ensemble, elle suscite peu d'inquiétude à court terme. La possible annexion de l'Autriche allemande par l'Allemagne est une perspective évoquée, mais qui n'inquiète vraiment sérieusement que les plus pessimistes. Tout autre peut être, en revanche, le rôle de l'Autriche dans un plan général d'expansion allemande à l'échelle européenne. La rancœur française à l'encontre de l'Allemagne victorieuse fait qu'elle lui prête tous les desseins les plus noirs. L'Alsace-Lorraine ne serait que le début d'une formidable conquête. L'Autriche-Hongrie apparaît donc comme le laboratoire expérimental où sont observables les premières tendances de ce bouleversement. Ce thème se résume par une expression allemande, le Drang nach Osten, ou poussée vers l'Est, expression qui décrirait le mouvement naturel du noyau national allemand qui trouva ses prémices dans la conquête de la Prusse orientale lancée contre les Slaves par Frédéric de Hohenstaufen et soutenue par les Teutoniques. La poussée germanique dans son ensemble est dirigée vers l'Orient, voire jusque vers le Moyen-Orient. Elle passe donc prioritairement par l'Autriche-Hongrie. Cette expansion allemande est vue en deux temps. Tout d'abord, elle se traduirait par une extension de l'Empire des Habsbourg à l'Est, tandis que sa partie allemande serait absorbée par le Reich. La double monarchie étendue ainsi à l'Est serait le véhicule de la germanisation, mais cette extension gigantesque se paierait du prix de son épuisement politique. La deuxième étape serait donc sa récupération ultime par Berlin. l'Autriche devient donc le pion essentiel de la conquête allemande. Il est essentiel d'insister sur l'arrière-plan politique d'anti-germanisme omniprésent à l'époque. C'est lui qui guide les jugements d'avenir dramatisés sur l'expansion allemande, vague inexorable destinée, faute de vigilance, à noyer l'Europe. L'analyse de l'Autriche à laquelle on peut se livrer perd alors son objet propre. Il s'agit plutôt de démontrer que cette Autriche est le support des ambitions prussiennes. René Henri, chroniqueur au Temps, résume bien la place, l'idée que tous se font de l'Autriche. Aujourd'hui, auxiliaire de l'Empire allemand, demain, sa proie. Dans l'ensemble, l'image qui se dessine de l'Autriche est plutôt complexe et nuancée. L'observation fine, les témoignages relevés sur place par des diplomates, des voyageurs, semblent entretenir une saine distinction entre un monde agressif, aux valeurs prussiennes, et un ensemble autrichien, encore empreint de respectabilité. Mais le poids des conjectures politiques interdit de se départir complètement de la méfiance incompressible pour tout ce qui est germanique. C'est peut-être dans le projet, plus que dans la nature autrichienne, que l'on cerne mieux l'attitude que la France doit adopter à l'égard de l'Autriche. Francis Charme, personnage emblématique de la bourgeoisie libérale et conservatrice de la Troisième République, passé par les couloirs du Quai d'Orsay pour devenir ensuite un pilier de la Revue des Deux Mondes, représente ce regard bienveillant et modéré sur l'Autriche. Dans un discours prononcé à l'École libre des sciences politiques, il tient à rappeler les qualités que l'on prête volontiers à l'Autriche, état tampon modérateur des ambitions germaniques et unité en son sein des intérêts des nations du centre de l'Europe. Sur ces bases, s'élabore donc un discours qui tient compte d'un donné favorable, mais fragile, pour prôner une défense de l'Autriche contre l'Allemagne. Avec plusieurs objectifs à cela, sauvegarder l'équilibre européen, défendre les peuples de l'Europe orientale, tout cela servant en définitive les intérêts français. L'Autriche peut devenir un rempart privilégié contre le germanisme agressif pour le plus grand intérêt de la France. L'une des premières options possibles pour donner un tour décisif à l'antagonisme austro-prussien serait d'allier l'Autriche à la France. Cette alliance austro-française, on a pu en parler précédemment, il ne fut en fait jamais vraiment question de manière approfondie. Pour autant, ce rêve diplomatique est loin d'être enterré. Une pièce essentielle de ce dossier repose dans les mains de Georges Clemenceau, qui entretenait des rapports privilégiés avec l'Autriche par le biais d'une amitié avec la fille de l'un des plus grands rédacteurs de journaux viennois, Berthe Zuckerkandel-Zeps, fille de Maurice Zeps, à la tête du progressiste Neues Wiener Tageblatt. La sœur de Berthe avait par ailleurs épousé le frère de Georges. Berthe Zuckerkandel rapporte dans ses mémoires l'état d'esprit du cercle gravitant autour de son père. Il était de ces Autrichiens auxquels la Prusse faisait horreur. Démocrate, les idées libérales de la République française étaient les siennes. Sa maison était devenue le centre francophile de Vienne. La haine de la Prusse justifierait un rapprochement d'amitié avec la France appuyé sur le partage des idées républicaines. Cela aurait pu rester sans conséquences politiques si Maurice Zeps ne partageait pas une amitié privilégiée avec le prince héritier Rodolphe. Libéral, ne cachant pas ses sympathies pour le républicanisme, le fils de François-Joseph pourrait vouloir troquer l'alliance avec l'Allemagne, qu'il exècre, contre un rapprochement avec la France républicaine. Il est évident que de tels projets trouvent peu de soutien auprès du gouvernement de Vienne. Cela débouche néanmoins sur une entrevue, en décembre 1883, entre Zeps, Clemenceau et Rodolphe, sans réel fruit d'ailleurs, malgré l'échange de paroles de sympathie. Les choses ne vont guère plus loin et la mort du prince héritier met ses généreux projets en sommeil. Dans la première décennie du XXe siècle, le projet reprend pour Clemenceau un peu de consistance. Il envisage même une alliance tripartite entre l'Angleterre, l'Autriche et la France. Jules Zeps, le frère de Berthe, adresse un mémorandum au gouvernement autrichien en novembre 1906. Les conversations entre Jules Zeps et Clemenceau s'enflamment. Clemenceau se plaît à rappeler l'aversion entre l'Allemagne et l'Autriche, conforté en cela par son interlocuteur autrichien. Pour Clemenceau, les choses sont claires, le but de notre bienveillante immixtion doit avoir pour suite une entente avec l'Autriche-Hongrie. L'enthousiasme va bon train entre les deux négociateurs auto-institués, sans résultat. Bert Zuckerkandel attribue l'échec de ces tractations à une prétendue manœuvre de l'ambassadeur de France à Vienne, le marquis de Reverso, qui avait la fâcheuse tendance à Vienne de ne fréquenter que des milieux de réactionnaires enragés, je la cite, et qui faisait tout pour contrarier les plans d'une France trop républicaine pour s'entendre avec la catholique Autriche. Est-ce là le fin mot de l'affaire ? Il semblerait surtout que les ambitions des protagonistes aient dépassé leur capacité d'action réelle. Par ailleurs, il n'est pas du tout sûr que l'opinion française, comme l'autrichienne d'ailleurs, ait accepté sans broncher un tel rapprochement. Quelques années plus tard, un homme croit lui aussi un rapprochement possible, M. Philippe Crozier, ambassadeur de France à Vienne, en poste de 1907 à 1912. En 1911, après la crise d'Agadir, il s'agit pour la France et l'Allemagne d'obtenir la ratification par les autres puissances européennes du traité franco-allemand du 4 novembre, réglant leurs différends par des cessions de territoire en Afrique. L'Autriche-Hongrie tarde à manifester son approbation et fait pression, réservant son adhésion en la soumettant à l'ouverture de la Bourse de Paris aux emprunts d'État autrichiens et hongrois. Il ne faut pas voir dans ces atermoiements et cette proposition un souhait d'entente politique avec la France, mais c'est ce qu'interprète Philippe Crozier. L'ambassadeur veut profiter de l'occasion pour tâcher de mesurer quelle est la marge de liberté, de manœuvre de l'Autriche par rapport à l'Allemagne. Raymond Poincaré modère ses ardeurs et considère que c'est un diplomate idéaliste, voire un illuminé. L'accord possible dont on discute au Quai d'Orsay est très mal vu. La presse britannique s'en mêle. Le 30 décembre 1911, un article du Daily Mail condamne le projet sans embâge. L'Angleterre et la France doivent considérer que l'Autriche est alliée à l'Allemagne par une alliance formelle. Fin de non-recevoir. Les velléités de rapprochement franco-autrichien ne dépassent donc jamais le stade de projet porté par des individus excessivement confiants, idéalistes aussi, et insuffisamment conscients des résistances diplomatiques et politiques. Le refus, en vertu du réalisme des alliances, de pousser trop loin un rapprochement avec l'Autriche n'empêche pas qu'une ligne de conduite bienveillante se maintient constamment chez les diplomates et chez les politiques français. La préservation de ces bons rapports est une pièce essentielle au dispositif diplomatique français. L'Autriche n'a cessé d'avoir des circonstances atténuantes, je cite un diplomate, au sein de la Triple Alliance. Des années 1906 à la guerre, les relations entre l'Autriche et la France sont caractérisées par une série d'échanges de bons procédés, de ménagements réciproques. L'Autriche est soignée comme modératrice au sein de la Triple Alliance. Aussi longtemps que ces bons rapports sont entretenus, la situation européenne, pense-t-on, ne peut dégénérer. C'est pour cela que pour certains, à rebours des plans de l'ambassadeur Crozier par exemple, il serait même néfaste de briser l'alliance austro-allemande. L'Autriche est plus utile aux côtés de l'Allemagne que contre elle. Le contraire ne ferait qu'exacerber les tensions. L'idée principale qui se dessine est que l'Autriche est une réalité essentielle à l'équilibre européen. Quel est le meilleur rempart qui puisse se trouver contre le germanisme, parce qu'elle a déjà, pourrait-on dire, un pied dans la place, parce qu'elle est allemande sans l'être. Préserver l'Autriche, c'est mettre un frein à l'expansion allemande dans l'intérêt de la France. Voilà la nécessité à laquelle la diplomatie française ne peut échapper. Ne pas soutenir l'Autriche, c'est renforcer l'Allemagne. Certes, aussi longtemps que l'Autriche se maintient, elle est un allié de poids pour l'Allemagne. Mais détruite, l'Allemagne en tirerait plus grand profit encore. Pour Sheridan, le dessin pangermaniste brille par son caractère profondément anti-Habsbourg. Comme le démembrement de l'Autriche implique la destruction, ou tout au moins l'étroit assujettissement de la maison régnante, l'attaque contre la dynastie des Habsbourg est l'aboutissement logique de la campagne prussophile. Ce sont les intérêts français qui sont concernés au premier chef. L'argumentaire économique prend aussi le relais de l'argumentaire militaire. La disparition de l'Autriche indépendante conduirait à un gigantesque Zollverein auquel les Français n'ont pas intérêt. Préserver l'Autriche, c'est aussi servir les peuples slaves et balkaniques. Si la France a tout à gagner à contenir l'accroissement de puissance de l'Allemagne, il est d'autres États qui en retireront des bénéfices collatéraux. À l'inverse de ce que semblent imaginer certains politiques avides de s'agrandir de ces dépouilles, les États balkaniques ne peuvent conserver ou conquérir une pleine indépendance que si, entre eux et l'Empire d'Allemagne, il subsiste une Autriche indépendante. Autrement, ils seraient tous bien vite réduit au rang de vassal du nouveau Saint-Empire germanique. Ces mots sont ceux du publiciste Anatole Leroy-Beaulieu, maître de conférence à l'École libre des sciences politiques. Il y est d'autant plus sensible qu'il est spécialiste du monde slave. L'ambition pan-germanique est vue comme la pire ennemie de la liberté pour tous les peuples européens. Ce rôle modérateur, l'Autriche ne pourra l'assumer véritablement qu'au prix de profondes modifications internes de son fonctionnement politique. Mais ces modifications ne sont pas seulement institutionnelles. Il s'agit aussi de s'interroger sur la nature de l'Autriche. Pour nos auteurs, l'avenir de l'Autriche passe par le fédéralisme, mais cela ne peut être qu'un fédéralisme aux bases slaves et non plus germaniques. Quel rôle joue le monde slave dans l'appréhension qu'on a de la réalité austro-hongroise? Tout crédit accordé à l'Autriche l'est en raison de la force de l'élément slave dans son ensemble multinational. La slavophilie, qui se traduit de différentes manières, sympathie pour les cultures slaves, conscience de l'unité du monde slave, vitalité de la chaire d'études slaves au Collège de France, est ce qui permet de racheter l'Autriche menacée, tentée par le germanisme. L'avenir de l'Empire des Habsbourg n'est pas conçu sans une profonde mutation de nature, d'un ensemble aux origines germaniques, à tendance centraliste, à une fédération slavisée. Dès la page 5 de l'introduction de l'ouvrage précité, André Sheradam avait fait glisser la question d'Autriche à celle de, je cite, « l'importance des peuples slaves de l'Autriche dans le système politique européen ». Un ressort essentiel de la question d'Autriche est la lutte en son sein du slavisme contre le germanisme. Il est fort difficile pour les Français de trouver une essence univoque à l'Autriche, ni slave ni allemande. Nos auteurs pensent qu'il lui faut trancher en faveur du côté slave. Mettre en avant la défense des intérêts slaves dans la présentation de la question d'Autriche a pour conséquence de synthétiser le problème en l'affrontement de deux blocs. Je cite les auteurs, une expression qui revient fréquemment, la lutte du slave contre le teuton. Les Français qui s'intéressent à l'Autriche ne croient pas à la solidité du mouvement panslaviste. Pour André Sheradam, ce sont les Allemands qui ont propagé partout en Europe l'idée que les Slaves, si ce l'étant, travaillaient au démembrement de la monarchie des Habsbourg. Les Slaves tiennent en fait à l'Empire, mais à un Empire sous une forme rénovée, fédérale, qui accorderait à tous ses peuples les mêmes droits. Selon la formule célèbre, pas de nation privilégiée, l'Autriche à tous ses peuples. Il serait inhérent à la disposition géographique, historique et politique des Slaves qu'ils aient le désir de vivre au sein de l'Empire. Mais ce besoin qu'ont les Slaves de l'Empire doit s'accompagner d'une claire conscience de la part de ses dirigeants que c'est en eux qu'elle trouvera ses plus fidèles soutiens. Les Slaves savent qu'ils n'ont d'existence possible qu'au sein d'un ensemble qui les protège et reconnaît leurs droits. Toute autre configuration les condamne à être écrasés sous la domination allemande. La monarchie doit faire confiance aux Slaves qui sont attachés à son maintien et lui donnent les moyens de résister. En définitive, pour beaucoup de Français autorisés, la question d'Autriche peut se poser en ces termes. L'Autriche sera-t-elle slave ou allemande? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, nos auteurs refusent de croire en une dissolution proche de l'Autriche-Hongrie. Spécialistes des questions d'Europe orientale, proches des milieux diplomatiques, voyageurs, ils se sentent tous autorisés à tenir un discours qui va à contre-courant des options les plus couramment admises. À la fin du XIXe siècle, pas un qui croit la disparition de l'Empire plausible dans l'horizon immédiat de la politique européenne. Le publiciste René Henry, précité, parle d'un ensemble de forces convergentes dont le faisceau maintient en vie la monarchie des Habsbourg et rend improbable son effondrement. Ces forces convergentes dépassent le traditionnel assortiment dynastie, administration, armée, catholicisme. La première des justifications repose dans l'harmonie géographique des territoires. L'amour pour le souverain en est un autre. Mais cette longévité ne sera vraie qu'autant que l'Autriche se transformera, car les pressions qui s'exercent sur elle ne sont certes pas insurmontables, mais la poussent dans d'autres voies. Les politiques, eux, sont beaucoup plus réservés. Ils ont l'expérience au quotidien de l'Autriche et ils touchent du doigt plus précisément les ferments possibles de dislocation. Alfred Dumaine, ambassadeur d'Autriche qui succède à Crozier, rapporte par exemple à Poincaré le sentiment confus d'un intolérable malaise qui fait souhaiter qu'un conflit vienne aider la monarchie à trancher dans le vif. Contre ces scénarios obscurs, l'avenir est vu dans la libre expression des peuples qui ferait passer la majorité exprimée des populations de la monarchie d'une voix allemande à une voix slave. La slavisation de la monarchie passe par sa fédéralisation, une fédéralisation qui peut se faire d'ailleurs à différents degrés, la fédéralisation de la Cislétanie pouvant être un préalable à la fédéralisation de la monarchie dans son ensemble. Il faut aménager, pense-t-on, la maison des Habsbourg plutôt que de la détruire, tâche difficile mais non irréalisable. Un équilibre est à trouver. Tous sont bien en peine de dire lequel. Toujours est-il que c'est la forme la plus souple qui se prêtera le mieux à son émergence. L'idée directrice de cette réorganisation est d'obtenir la configuration qui soit la plus efficace à la fois pour promouvoir les intérêts des nationalités qui composent la monarchie et pour résister à l'expansion allemande. Les intérêts généraux sont en effet de lutter contre le péril commun de l'Allemagne. Le suffrage universel apparaît comme le soutien inséparable de cette réforme fédéraliste à mener à terme. L'objectif est d'obtenir, par son introduction, que les luttes nationales passent au second plan, chacune ayant le même moyen d'expression et prenant peu à peu conscience de son égalité avec les autres au service des intérêts communs de la monarchie. Évidemment, la tentation est très grande du côté français de croire que tout pourrait se résoudre dans la grande harmonie du suffrage universel, alors que l'exercice démocratique requiert, au contraire, un peuple unifié. L'essayiste Charles Benoît arrive à la conclusion que l'Autriche fédéralisée ne pourrait plus être allemande, car qui dit Autriche fédéralisée dit libre expression des nationalités, donc émergence d'une majorité slave sur des bases démographiques. D'une étude à l'autre, on donne grosso modo une majorité de plus de 21 millions de slaves dans l'Empire. C'est cette analyse statistique qui permet à Louis Léger, expert du monde tchèque, de considérer que l'Autriche, considérée comme un État allemand, est ainsi qu'on l'a dit, une véritable mystification. Une question se pose pourtant. Qu'advient-il de la part allemande de la monarchie? Que devient la dynastie des Habsbourg? Peut-elle se déconnecter de la sorte de son enracinement germanique historique? Est-ce possible? Est-ce même souhaitable? Le monde germanique ne se réduit pas à la réalité prussienne, le reste devant se slaviser pour le plus grand bonheur de l'Europe. Au bout du compte, le contenu donné par les experts français à ce fédéralisme pose problème. La conclusion générale serait plutôt celle-ci. L'extrême difficulté pour l'Autriche-Hongrie de continuer à être ce qu'elle est, son impuissance à être autrement, la nécessité qu'elle le soit. Pour René Henri, il est certain qu'un esprit français a besoin, pour concevoir que l'Autriche-Hongrie est viable, d'oublier toutes ses idées, tous ses préjugés nationaux, de transformer sa façon même de penser. Le sentiment que la nature et le destin de la monarchie habsbourgeoise échappent perpétuellement à ses analyses n'est pas un pur artifice rhétorique. La conscience du décalage est d'ailleurs partagée. Goluchowski, le ministre des Affaires étrangères de la monarchie, auquel rend visite Charles Benoît en 1897, critique l'ignorance, les faux jugements de la presse étrangère qui ne comprend rien à rien à l'Autriche-Hongrie, je le cite. Il s'emporte au sujet des analyses du Temps ou du Figaro. On voit trancher en 10 lignes des questions qui feraient la matière de 20 volumes. En France, on ne comprend pas que l'empereur puisse laisser subsister dans son état des ferments de contestation et d'indépendance. On ne comprend pas que la vie de la monarchie s'accommode de mouvements centrifuges permanents. On relève les tendances fédéralistes, dont la viabilité laisse toujours sceptiques les esprits centralisateurs. Les fonctionnements des deux puissances restent impénétrables. Régime monarchique impérial et régime républicain ne fonctionnent pas sur les mêmes ressorts idéologiques, ni d'une certaine façon affectifs. L'amour du prince et de la dynastie, par exemple, est un aspect essentiel de la solidarité de l'ensemble habsbourgeois que l'esprit français pointe de manière intellectuelle, mais a tendance politiquement à mésestimer. Sheridan critique l'incapacité de nombre de politiques français, uniquement motivés par l'anticléricalisme, à voir dans les Autrichiens autre chose que des conservateurs, ou pire, des cléricaux. Vu du côté autrichien, la France est même la dispensatrice du vent mauvais d'idées qui perturbe le fonctionnement organique et irraisonné de la monarchie des Habsbourg. Napoléon III nous a mis dans un bel embarras avec sa politique des nationalités, vitupère le comte Badeni au cours d'un entretien qu'il accorde la même année à Charles Benoît. Oh non, il ne l'a pas inventé, mais en lançant le mot, il a singulièrement aggravé la chose. Une politique des nationalités, en effet, pour qui peut-elle bien exister en Autriche-Hongrie ? D'une part, la défense des intérêts des nationalités dans cette région ne peut que mener au conflit sans fin, compte tenu de l'impossibilité de trouver un critère unique pour décider quelle nationalité aurait droit à son État, et surtout de la situation réelle. Il n'y a pour ainsi dire aucune région de l'Empire qui soit homogène ethniquement. D'autre part, la perspective de regroupement intermédiaire reste un leurre, car les nationalités y resteraient totalement imbriquées les unes dans les autres. Créer ces regroupements intermédiaires ne serait qu'un pis-aller, donnant l'illusion d'un plus grand respect des nationalités, mais ne faisant en réalité que déplacer le problème au sein d'un ensemble de taille inférieure à l'Empire. Il serait absurde d'imaginer la viabilité d'États comportant encore plus de particularismes que n'en contiennent les royaumes et pays actuels de l'Autriche-Hongrie. Il semble que la crise austro-hongroise ne puisse être résolue sans que l'Europe en ressente jusqu'en ses extrémités la répercussion plus ou moins violente, écrit Charles Benoît. Est-ce à dire qu'aucune issue n'est vraiment possible? Nos experts le répètent à l'envi, la nationalité autrichienne n'existe pas. Pour Denis, l'Autriche n'a jamais été une nation, c'est une grosse erreur que de se figurer qu'il y a des Autrichiens. Et pourtant se dessine le portrait en creux d'une réalité politique incarnée par une dynastie qui, à force de n'être pas, gagne en essence. Un paradoxe apparaît. On veut confier un rôle de résistance à la poussée germanique à un ensemble politique dont on veut, d'une part, nier la parenté partielle mais réelle avec le monde germanique, tout en lui demandant, d'autre part, de faire entendre une voix originale au sein de ce même monde germanique. Quadrature du cercle. Que devient la monarchie des Habsbourg dans ces analyses? Peut-on lui demander de jouer ce rôle de résistance en la privant de son ancrage historique indéniablement aussi germanique, ce qui lui donne cette légitimité pour s'opposer à la Prusse? Sur quoi repose la mission européenne de l'Autriche? Comment articuler à bon escient les idées de liberté et d'équilibre à une réalité politique et historique qui est la famille impériale et son passé territorial et politique? Faire de l'Autriche le gardien de l'équilibre européen implique de lui donner avec conséquence les moyens de le faire, et cette cohérence n'est pas parfaitement assumée dans la France de l'époque. La nationalité autrichienne serait en fait l'incarnation d'un idéal politique, mais aucun idéal ne tient sans chair, et cette chair, c'est un territoire et une famille. Pour assurer la viabilité du modèle, il faut tenir compte de la solidité territoriale de la monarchie habsbourgeoise, qui ancre concrètement dans le sol ce qui aurait pu rester une idée purement multinationale. La tutelle monarchique n'est pas déconnectée des peuples sur lesquels elle s'exerce. Pour les uns, même si l'Empire n'a pour lui jamais été que l'expression d'intérêts dynastiques, on apprend au détour d'une phrase qu'est dit autrichien celui qui est allemand, conservateur, autonomiste, c'est-à-dire non centraliste. Pour d'autres, est dit autrichien être fédéraliste, loyaliste, pour intégrer des royaumes restaurés dans un même empire. La nationalité autrichienne se situerait donc à un carrefour, intégrer une identité germanique pour la dépasser au service d'une liberté partagée. Être autrichien, c'est donc croire en un certain nombre de principes différents de la vie des nations, mais c'est assortir cette croyance du poids des siècles pour en assurer la vie. C'est donc avec la force du fait que le monarque des Habsbourg peut prétendre à sa mission. Et si le mot de patrie, dans le cas autrichien, a un sens, c'est que dans le cas de l'Autriche aussi s'y cristallisent des sentiments généreux et loyalistes. L'idée de loyalisme dynastique bouscule les schémas français. On voudrait croire que dorénavant, la destinée des peuples s'affranchit de celle des princes et que les familles princières finissent par se subordonner aux aspirations nationales. Mais le cas de la monarchie habsbourgeoise présente au contraire la configuration d'une famille princière nécessaire à l'incarnation d'un principe de liberté des peuples. Francis Charme écrit « On pourrait croire au premier abord que c'est là une œuvre artificielle de la politique, mais on se tromperait gravement si on le faisait, et cela pour deux motifs principaux. Le premier est que l'œuvre de l'histoire n'est jamais artificielle, le second est que l'œuvre, cette fois, est nécessaire. » La solution réside en fait dans le dépassement de la crise, dans un système politique vivant qui ne se satisfait pas des normes communes. C'est parce qu'elle ne se fondera pas sur le principe de nationalité que l'Autriche sera le mieux à même de défendre les nationalités qui seront à sa charge, en assurant, par le système impérial, un cadre de développement sûr pour des nations qui ne peuvent autrement s'accomplir en État. Si l'Europe occidentale contemporaine s'est construite selon l'idée que chaque nation devait arriver à un État pour développer ses intérêts, l'Est invite à penser un autre modèle. Les nationalités pourraient librement se développer car elles seront dans la structure fédérale protégée d'ambitions fatalement destructrices, alimentées par les rêves d'union de races. L'Empire habsbourgeois proposerait donc une réhabilitation de la défense des nationalités, jugulée dans le cadre impérial, qui en limiterait les tentatives hégémoniques. C'est en définitive en Rodolphe, l'héritier de la monarchie, que l'on trouve exprimée et vécue cette idée, comme le rapporte Bert Zucker-Candlesepps. L'Allemagne ne comprendra jamais la signification et la sagesse qui groupent les Allemands, les Slaves, les Hongrois et les Polonais autour de la couronne. L'Autriche devrait être d'accord avec les démocraties occidentales, car c'est là que règne encore le libéralisme le plus véritable et la liberté individuelle. Fin de citation de Rodolphe. C'est grâce à cet équilibre qu'elle pourrait tenir son rôle le plus efficacement. Synthèse des peuples orientaux, elle n'en a pas moins une vocation européenne au sens large, c'est-à-dire tenant de l'Orient comme de l'Occident, sans qu'une attraction doive être sacrifiée à l'autre. N'importe quel État ne peut pas jouer le rôle de tampon, et c'est ce que rappelle Charles Benoît. La disparition, ou s'il y a manifestement excès à parler de disparition, la simple diminution de l'Autriche-Hongrie creuserait au centre de l'Europe un vide qui ne serait pas rempli, même si l'on parvenait, et rien n'est moins établi, à constituer, un peu plus au sud, un peu plus à l'est, sur le moyen Danube et dans les Balkans, une puissance de rang égal, car la position géographique de cette puissance n'étant pas la même, son poids politique ne serait pas le même. Et pour tout dire d'un mot, située là, elle serait beaucoup plus orientale qu'européenne. La France, à l'égard de l'Autriche, doit adopter une politique raisonnable qui est celle du refus de la défense inconsidérée du principe des nationalités. En conclusion, s'il est un point qui fait l'unanimité dans la France qui précède la Première Guerre mondiale, c'est qu'il n'y a pas de nation autrichienne, qu'aucune identité commune n'est attachée à ces territoires danubiens. Il suffit pourtant aux voyageurs, encore aujourd'hui, de parcourir ce qu'on appelle l'Europe centrale pour sentir une communauté qui a rassemblé des nationalités éparses sous l'égide d'une dynastie européenne. Mais, à défaut d'une identité, on voit quand même se détacher une mission propre à l'Autriche-Hongrie, ce qui met en lumière les contradictions de ces différents discours français. L'Europe danubienne reste définitivement rétive au principe des nationalités. La France républicaine en a fait son credo. L'attention tout entière est fixée sur le danger de l'Allemagne expansionniste. Elle souhaite le maintien d'une puissance dont le fondement sont en contradiction avec ses valeurs. En creux, se dessine l'idée que dans cette partie de l'Europe, le modèle impérial et fédéral offre une viabilité possible aux nationalités, mieux leur défense la plus adéquate. Mais ce modèle est consubstantiel à l'existence du lien fédéral hérité de l'histoire, la dynastie des Habsbourg, qui doit être acceptée dans sa nature européenne et non fantastiquement orientale, ce qui n'est pas pleinement acquis en France. Ce qui apparaît clairement, c'est qu'à l'aube du conflit, aucune option n'est jugée plus crédible qu'une autre. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Tous les scénarios auront été envisagés, ou presque. La dissolution, comme la rénovation de l'Autriche-Hongrie, ce qu'on appellera bientôt l'Anschluss, la création de nouveaux États slaves, comme leur échec, la crise yougoslave, la fragilité tchèque. La lucidité sur certaines hypothèses, pour nous qui connaissons leur avenir, laisse parfois un goût amer. Les drames étaient prévus, mais rien n'a empêché qu'ils aient lieu. On touche là du doigt les limites du travail de la prospective. Les décisions ultimes en reviennent toujours à l'homme politique qui agit dans un spectre de circonstances complexes qui laisse souvent peu de place aux leçons tirées des réflexions, fût-elles les plus probantes. Je vous remercie. Merci.